On va parler de la NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet lebetsnfl.com. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, d'abord, évidemment, on va parler des divers scénarios parce que là, on arrive vers la fin. Quand il y a des matchs le samedi, normalement, ça veut dire la fin de la saison. Exact. Et là, ça commence cette semaine. Oui, tout à fait. Il reste 3 semaines, faut le croire, hein, finalement. On s'enligne pour avoir une saison normale, entre guillemets. Là. Donc, il reste 3 semaines dans la saison régulière. Puis, c'est drôle parce qu'on a plus d'équipes que d'équipes éliminées que des équipes qui ont vraiment confirmé une place parce qu'il y a seulement 4 équipes qui ont confirmé leur place dans les séries. On parle des Chiefs, on parle des Steelers, puis de l'autre côté, dans la nationale, les Saints ont remporté ils ont une place dans les séries, puis les Packers ont remporté leur division. Donc, chaque match, à l'heure qu'on se parle, on est jeudi soir, juste même ce soir, le match du jeudi soir entre les Chargers et les Raiders vont devoir gagner s'ils sont pour rester dans la course. Donc, chaque match va avoir une implication en fin de semaine. Ça va être très, très, très intéressant. OK. OK, donc on va suivre ça évidemment d'après. Mais les Pats qui pourraient subir l'élimination pour la première fois depuis... pas fait les séries depuis un bon bout de temps. Là. Après, je pense que c'est depuis 2002, après 11... c'est ça, 2002? Ils n'ont pas fait les séries en 2008 avec l'année de Tom Brady. Oui, c'est vrai. Là. Non, c'est ça. 2002, c'est que depuis 2002, les Pats n'ont pas connu une saison de plus que 10 victoires. Donc, ça va être la première depuis 2002 qu'ils n'ont pas. Ouais. Ils connaîtront pas une saison. Ils disent quand même sont dans la course un peu, mais les chances sont très minces. Puis, en fin de semaine, c'est peut-être un des matchs à surveiller aussi. C'est contre les Miami Dolphins. Ouais. Puis, ils pourraient causer une surprise, les Pats. Ils pourraient les battre, les Dolphins. Ça sera pas facile pour les Fins, les Dolphins, parce qu'eux autres aussi, en ce moment, ils ont la 7e place dans les séries, les Dolphins. Donc, ils se battent avec les Patriots là, pour cette place-là dans les séries. Donc, ça va être très intéressant. OK, on va suivre. Comment t'as trouvé Jalen Hurst? Jalen Hurst, ça a été au-dessus de mes attentes. Ouais. Je m'attends. Jalen Hurst, on l'aime très bien. C'est dans le sens que c'est dans la cuvée des corps arrière qui sont capables de jouer dans la pochette et sont capables de sortir de la pochette et courir avec le ballon. C'est sûr qu'il est plus vite que Carson Wentz, mais comme tu l'as si bien dit en ondes, c'est que les équipes ont pas de film de match sur lui. Ouais. Donc c'est sûr que des corps arrière comme ça, ils vont connaître des 2 à 3 semaines. Ils vont bien connaître de bonnes performances. Ça a quand même bien été, mais tu vois que l'équipe des Eagles, il manque des receveurs, il manque peut-être un peu plus un jeu au sol. Mais il s'est très bien débrouillé, je trouve, pour sa première. Mais comme j'ai dit, c'est un peu comme Taysom Hill après 3-4 semaines. C'est là qu'on va voir de quoi qu'il est vraiment fait. Mais faut pas s'en cacher, c'est un gars qui a vraiment passé dans des bons programmes, là, Jalen Hurst. Là. Oklahoma, je pense. Hein? Lui était à Oklahoma l'année passée. Oui, puis avant, il était avec Alabama. Donc, tu sais, il a joué pour deux bons... Il était avec Oklahoma l'année passée. Oui, c'est ça. Il était favori Wiseman. En début d'année, exactement. Son nom arrivait souvent à Wiseman, là. Exactement, puis on se posait bien des questions pourquoi qu'ils l'ont repêché les Eagles, puis ils voulaient pas que ça soit vite de même pour Carson Wentz, mais Jalen, je pense qu'il a confirmé qu'il va être le partant contre Arizona en fin de semaine. Oui, quand un corps comme Carson Wentz passe son statut numéro 1 qui joue, ben normalement c'est pas bon signe pour l'année. Puis ça va être très intéressant. Jalen Hurts, qui vient d'Oklahoma, comme tu as dit, va affronter Kyler Murray, qui a aussi joué pour Oklahoma. Donc, ils vont s'affronter en fin de semaine. Oui, effectivement. Le match de la semaine, c'est pas surprenant. Là. C'est un match qui aurait dû être dimanche soir. Je comprends pas qu'on l'a pas déplacé Parce que c'est ainsi donné, on peut déplacer des matchs du dimanche soir. C'est probablement des bons, même des excellentes chances qu'ils soient au Super Bowl. C'est Ouais, possible. ben, t'en souviens, c'est un peu les deux équipes que je souhaite, là. C'est ça que j'avais prédit en début. Les Chiefs et les Saints, mais je dois vous dire, ça va être vraiment intéressant parce qu'on voit des équipes comme les Steelers qui Il sont dégonfle un peu. maganées, qui dégonflent. Je trouve que ça paraît qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'entraînement en pré-saison ou tout ça. Donc, les bobos, il y en a plusieurs, il y a plus de blessures. Il y a de la fatigue, mais Chiefs, les Saints, oui, c'est le match de la semaine. On l'attend avec impatience. Pourquoi c'est pas dimanche soir? J'ai l'impression que des fois, dans les choix, les réseaux, des fois, ils ont le droit de, je pense qu'ils ont le droit de garder, tu sais, de pas le perdre au Sunday night, là, automatiquement, mais ça va être très intéressant. Je dois donner les Chiefs avec. Ça fait quelques matchs, là, ils ont bien de la misère dans la zone payante, dans le red zone. Ils marquent pas autant de touchés de points comme qu'il fallait, comme qu'ils capitalisent. Donc, c'est très surprenant pour les Chiefs. Je trouve qu'ils dégonflent un peu, pas comme les Steelers, là, mais les Saints, je trouve que Taysom Hill, là, je pense que les équipes ils ont été capables de chercher le film de match, comme on a dit tantôt, là. Je vais donner avantage aux Chiefs. Et l'autre match, c'est pas un grand cru en fin de semaine, Ben, c'est pas un grand cru, mais il y a tout des impacts hein? Ouais, ben c'est normal, là, pour surtout à la fin de les l'année, là. éliminatoires, là. Moi, l'autre match que je voyais, est-ce que tu l'as vu vite, vite, moi, l'autre? Non, j'ai pas vu, ça m'a pas marqué ben fort. T'sais, ben, on a parlé, pour moi, les Pats et les Dolphins, c'est quand même un match à suivre. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Seattle, Washington, ça peut être intéressant parce que les Seahawks sont dans la course pour le sommet de la division nationale ouest avec les Rams, tandis que Washington, en ce moment, c'est eux qui mènent la fameuse Incroyable, pareil. division. Mais La fameuse. elle est meilleure depuis quelques semaines, par exemple, cette. Oui, ben oui, puis Alex Smith s'est blessé, Dwayne Haskins est revenu et je crois, au moment qu'on se parle, on n'est pas sûr encore si Alex Smith est prêt pour en fin de semaine. Donc ça aussi, ça serait intéressant. Puis une petite parenthèse, les Saints, Drew Brees, on pensait qu'ils seraient de retour cette semaine, mais je pense ils vont être patients. Ouais, puis avec l'âge qui est rendu, puis Ouais. Moi, il y a rien qui pèse je le contre lui, là. garderais, comme j'ai dit à d'autres mondes, je le garderais, tu sais, qu'il soit prêt pour que toute l'équipe soit prête pour les éliminatoires, là. Ben en fait, puis surtout cette année, ça veut rien dire. L'avantage terrain pour tout le long des séries, ça veut rien dire à cause de la foule. Tu sais, il n'y a pas de foule cette année, c'est moins pire, mettons. Non, mais la semaine de congé, Oui, va c'est vrai. peut-être être bien reçue, parce qu'il y a seulement une équipe, hein, c'est seulement la Ouais, première équipe exactement. de chaque conférence qui va avoir un congé. Je pense qu'elle va être bienvenue cette semaine-là, mais pour revenir au Saints Drew Brees, on va prendre le temps qu'il faut, là. Ouais, effectivement. C'est tranquille cette semaine, il y a moins d'actualités dans le monde du sport. Tony, on s'en reparle. Ben là, on va être en. La semaine prochaine, je vous dis tout de suite, on va être là vendredi, on va avec la semaine, mais ça va être une semaine que, évidemment, c'est le jour de Noël. Nous, on va mettre des podcasts, mais Tony, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va l'enregistrer cette semaine, probablement plus tôt, étant donné que c'est le jour de Noël. Il y aura un podcast quand même. Oui, on se prépare pour la revue de la fin d'année, Ouais. puis c'est Noël là, pour la NFL, là, ça va être intéressant, Il va y là. avoir un match d'ailleurs le 25 décembre, hein, Oui. Minnesota contre la Nouvelle-Orléans. Puis deux matchs ce samedi. Tony, un gros merci, on s'en parle vendredi prochain. Ça me fait plaisir. Bon Salut football. Tony.